Le plus mauvais, la solitude, le temps qui passe et l'habitude, regarde-les. Nos ennemis, dis-moi que oui, dis-moi que oui, quand nos secrets n'auront plus cours et que les jours pourront passer. Le plus